Bon allez, bienvenue dans notre nouvel épisode de Podcorn, un épisode neigeux. Alors aujourd'hui on a Julien. Bonjour. Héloïse. Bonjour à tous. Émilie. Bonjour. Et moi. Bonjour. Et du coup, comme c'est le premier de l'année, bonne année aussi. Bonne année. Faut pas faire attention. Allez. Allez, dis bonne année toi. Bonne année tout le monde. Je m'envole. Bonne année. Je respire. Dis-moi tout. Olivier, continue. Ah oui, alors d'abord, pour ceux qui n'auraient pas entendu au dernier podcast, la blague sur Richard Donner à Julien. Donc on va la refaire. Richard Donner, qu'est-ce qu'il a fait, Julien? J'ai dit kebab. Et pourquoi t'as dit kebab? Bah, comme ça, ça m'est sorti comme ça. C'est bon à manger, alors voilà, j'ai dit ça comme ça. C'est tout. Ah bon? Bah oui. C'était pas pour Donner kebab, donc? Si, c'était Donner kebab, j'ai dit ça comme ça, quoi. Voilà, non, parce qu'on l'entendait pas dans le dernier podcast, ah, c'était oui, dommage mais de passer à côté. J'ai pas parlé assez fort dans le micro, excusez-moi. C'était pas assez près de ta bouche. Non, bah c'est pas grave, j'essaierai de bouffer le micro maintenant à partir de maintenant. T'as arrêté de tripoter, tu peux commencer à parler. Non mais là, il est en train de se tripoter les tétons. Ouais, c'est le sac, là, il a trop frotté, là, ce matin. 8 heures dehors, c'est vrai que... Ah oui, mais ouais, ouais. C'est son meilleur chiffre, le samedi matin. Ouais, mais là, c'est l'hiver, les gens, ils ont besoin qu'on les réchauffe. Eh ben tiens, en parlant de réchauffer, tu vas commencer? Donc de quoi tu veux parler? D'accord, alors je vais vous parler du film Everest que tu as beaucoup aimé, Olivier, apparemment, en off. Tu m'as dit que t'étais un vrai fan. Ne spoil pas mon avis. Voilà, c'est bon déjà un film de Balthazar Comascourt, très connu dans le milieu. Alors, même le nom, il a bouché dehors. Non, mais faut pas dire ça. Non, c'est un film qui est basé sur des faits réels, sur une expédition commerciale menée par Rob Hall, qui est un néo-zélandais. Qui était, non? Qui était, mais qui, dans le film, est néo-zélandais, toujours. Et ça se passe donc au Népal. Et l'expédition, comme vous vous en doutez, ne va pas très bien se terminer, puisque ça finit par 13 morts sur l'expédition qui en contenait à peu près une vingtaine. Donc l'histoire commence en fait en Nouvelle-Zélande puisque Rob Hall, c'est lui qui a eu l'idée en fait de créer en fait des expéditions commerciales parce qu'avant ça n'était mené en fait que par des professionnels et ces expéditions d'alpinisme, notamment l'Everest, le K2, les Annapurna, etc. Donc c'était donc en 96 et donc il a mené cette expédition là après plusieurs autres expéditions bien sûr qui ont été réussies. Et donc dans ce film en fait ça se passe en plusieurs étapes. Alors donc comme je disais donc ça se passe en plusieurs étapes. En fait la première étape c'est il nous explique en fait donc d'une part ce qui est logique les dangers que ça comporte de grimper jusqu'à plus de 8800 mètres d'altitude quand même et donc il briefe les gens en fait sur les dangers pour la santé et les comportements humains en fait. Dans le sens où, par exemple, les gens qui commencent à avoir le mal de montagne, quand il fait moins 30 dehors, ils pensent qu'ils ont chaud et ils se déshabillent. Yeah. Donc, et effectivement, dans le film, on voit même les plus expérimentés, en fait, ils disent « Attention, j'ai chaud », alors qu'ils ont quasiment la neige quasiment qui les recouvre. Quoi. Ils sont conscients des... Et donc, il explique dans ce briefing-là la limite de la mort, en fait. La limite de la mort, en fait, c'est la limite du col sud de l'Everest. À partir de ce point-là, ton corps commence à mourir à petit feu. D'accord. Au fur et à mesure. Donc il explique voilà justement tous ces comportements humains en fait. Donc il prépare l'expédition sur au moins 6 mois, plus de 6 mois d'expédition. Donc il faut monter des paliers au niveau des altitudes pour que le corps s'adapte à chaque fois. Et donc le jour du grand départ approche. Il y a une scène dans la tente où les gens commencent un peu à se disputer parce qu'il y a plusieurs expéditions à se disputer qui va monter le premier, qui va monter à cette date-là, etc. Et là justement c'est quelque chose qui est assez dangereux, c'est-à-dire entre guillemets le comportement humain en fait et les gens qui se rendent pas forcément compte de la difficulté de la chose et de la sécurité. Et donc ils ont en fait décidé de partir à deux équipes. Et ils sont censés en fait déposer des bouteilles d'oxygène à plusieurs paliers et une cordée. En fait, ils montent à chaque fois en fait avec une corde jusque tout en haut en fait pour éviter que les gens tombent. Donc ils s'accrochent avec un mousqueton, etc. Et donc le jour ils partent pour faire l'expédition finale. et il reste bloqué pile poil sur la zone de la mort, en fait, sur le côte sud, où la corde n'a pas été mise. La corde de sécurité n'a pas été mise. Et donc du coup, ils attendent plusieurs heures. Dans le froid, évidemment, parce que là, ils sont quand même à plus de 7500 mètres, même plus de 8000 mètres. Et du coup, des personnes qui étaient un peu plus expérimentées ou un peu plus sages, ils disent, nous, on va pas avoir assez d'oxygène, donc on descend. Et il y a des gens qui ont décidé de mettre la corde et de continuer à monter. Le problème n'a pas été la montée, le problème a été de redescendre, puisque ils se sont fait prendre dans une tempête. Et une des plus grosses tempêtes d'ailleurs de la région qui n'ont jamais connu ce genre de tempête. Et ils ont été en retard sur l'horaire, parce que limite était 14 heures pour redescendre avant la nuit. Et du coup, ils se sont fait prendre dans cette tempête. Et évidemment, dû à ces deux équipes, en fait, il y a des bouteilles d'oxygène qui étaient en fait sur certains paliers qui avaient déjà été utilisées. Donc les derniers qui sont descendus, dont Rob Hall et un autre qui s'appelle Doug, en fait, ils se sont fait coincer justement parce qu'ils n'avaient plus d'oxygène, ils n'avaient plus assez d'énergie pour descendre. Une autre équipe est descendue aussi, un peu plus bas. Ils sont tombés. Il y en a qui sont tombés, donc ils sont tombés dans les pommes. Et à cette altitude-là, quand tu tombes dans les pommes, bah tu gèles, tu gèles sur place. Et il y a eu des tentatives de secours après cette tempête-là. Et par manque de chance, juste avant d'arriver vraiment pas loin d'eux, en fait, il y a une autre tempête qui a commencé. Et ils ont dû redescendre. Les Népalais ont dû redescendre. Et c'est là où justement Rob et le Doug, lui il est tombé parce que lui il était complètement fatigué, il a oublié de s'accrocher avec son mousqueton, donc lui il est tombé. Il y a un autre guide en fait expérimenté qui a rejoint Rob en haut, mais du coup comme ils avaient plus d'oxygène, lui il a commencé, le guide expérimenté, le compagnon de Rob, en fait il a commencé à se déshabiller, puis il est tombé aussi. Il a fini par tomber. Et Rob, en fait, on a réussi à lui en fait envoyer une bouteille d'oxygène, mais il pouvait pas l'ouvrir en fait parce que c'était complètement gelé. Donc du coup, il pouvait pas l'utiliser. Donc du coup, il est mort là-haut. Il y a eu juste en fait à la fin du film un miraculé. Ah oui. Un miraculé au nom de Buck, en fait, il s'appelle Buck, qui a perdu son nez, ses deux mains. En fait, à cause de gelure, en fait, et un gars du Texas, et voilà quoi. Donc c'est un film qui est plus vraiment pour ceux qui aiment la montagne ou qui aiment se faire des treks ou ces choses-là. Ouais, parce que c'est vrai que c'est un petit peu technique parfois. Ça intéresse pas forcément les gens parfois, mais moi ça m'a vachement intéressé parce que du coup, comme je suis allé au Népal et que j'ai fait une ascension d'un col. C'est vrai qu'en plus j'ai eu le mal de montagne, donc ça tombe bien. J'ai eu le mal de montagne, un bon mal de crâne. Et par là où je suis passé, il y a eu 26 morts 2 ans plus tard. Parce que justement, il y a des gens qui n'ont pas su dire, je monte pas parce qu'on va se perdre. Et je peux vous dire que quand j'ai vu ça, que c'était tout blanc autour de moi, je savais pas par où descendre ou par où monter. On sait même plus si on descend ou on monte, tellement on est perdu là-dedans. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé en fait, ce film. Voilà, et aussi le comportement humain, oui, aussi comment on se comporte, les gens pensent que ce sont les plus forts du monde forcément. Même si dans le film, apparemment ils jugeaient pas les gens hein, sur leur décision de continuer à monter ou pas. Le seul moment où ils étaient un peu irresponsables, effectivement, c'est de faire monter plusieurs expéditions en même temps. Ce qui a mis en jeu, en fait, parce que le problème, c'était les bouteilles d'oxygène. Et du coup, les gens qui sont passés avant eux, qui sont descendus avant eux, eux ont utilisé les bouteilles d'oxygène. Oui. Donc, il fallait choisir une date spécifique et voilà. Donc ça, c'était là. C'est vrai que l'ascension, c'est très bien. C'est très bien déroulé, mais il fallait redescendre, et les mecs étaient cramés, quoi. Et les gars, même si t'es un guide de haute montagne, c'est... Et voilà. Mais voilà, donc ça, c'était un film... je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai bien aimé le film, justement. Alors, moi, j'ai pas vu cet aspect-là, en fait, de... de limite, enfin de, on le sent, mais c'est, moi je l'ai plus vu romancé en fait. Enfin, c'est, bien sûr, c'est une histoire vraie, mais j'ai pas vu tous les aspects techniques que toi t'as pu voir. Parce que, l'histoire, en fait, l'histoire, ça m'a un peu rappelé les survivants. En fait, essayer de vivre, enfin, là, c'est une ascension, mais voilà, que c'est dangereux. C'est dangereux, c'est pas simplement, faut prendre en compte tous les risques que ça peut causer. On peut y laisser sa vie. Enfin, voilà, c'est quelque chose de... Il y avait un journaliste parmi eux, d'ailleurs, qui a raconté dans un film la tragédie en fait de l'Everest, qui a écrit un livre, John Krakauer, qui a écrit ce bouquin-là pour expliquer ce qui s'était passé là-haut. Mm. Ouais, parce que lui, c'était un des survivants de cette expédition. Okay. Mm. Thomas, au moment d'Olivier, qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Moi, on en a parlé, j'ai trouvé ça chiant, moi. Super chiant. C'est, je monte, j'arrive à une tente, je discute, je passe un obstacle, je reviens à une tente, je discute, je repasse un obstacle, j'arrive à une tente, je discute, je monte, je meurs, enfin. C'était un petit peu chiant. Non. Bah c'est... si, c'était un petit peu chiant. Oui, mais c'est l'ascension, c'est, on est en même temps qu'eux, on le vit même temps. C'est ça, c'est qu'en fait, on peut pas rendre la chose plus palpitante, c'est compliqué, parce que, en fait, rendre ça plus palpitant. Plus palpitant en faisant plus effet film que documentaire. T'es pas obligé de faire un film documentaire. C'est pas forcément documentaire, mais après il y aura toujours des gens qui vont dire ah oui les mecs ils sont passés de l'Everest direct, ils ont monté l'Everest sans palier, sans rien direct. Non, c'est pas forcément avec des paliers, mais bon. C'est une vraie ascension. Oui, mais t'es pas obligé de passer un quart d'heure à chaque fois dans les tentes. On passe, on voit qu'on est dedans et voilà. Faut installer le rythme. Et c'est le. Non, parce qu'au cinéma il y a un truc qu'on appelle des ellipses. Ça veut dire que le spectateur est assez intelligent pour comprendre que bon, là ils arrivent dans la tente, on n'est pas obligé d'avoir la demi-heure de débat, voilà. Ouais, mais il fallait. Il y a des questions qui se posent aussi. Il y avait plusieurs sujets là-dedans, entre la santé, la météo, tout ça. Puis on peut pas mettre. Tu vois ce qui se passe dans le film, les gens. Ouais. Oui, justement. C'est leur intelligence, mais pour te dire que les gens en montagne, même à 2000, 3000 mètres. Au cinéma ou ailleurs, ils y vont en tongs. Donc, tu leur expliques quand même. Moi, j'ai regardé quand, à partir du moment où ça bouge, c'est une heure de film, sur deux heures. Une bonne heure, ils t'expliquent quand même une bonne heure. Voilà, ils commencent vraiment l'expédition au bout de la deuxième heure. Là, toute la première heure, ça commence en Nouvelle-Zélande, après, ça grimpe dans les villages au Népal, tout ça. C'est vraiment, j'ai l'impression, la première heure, c'était vraiment plus de la présentation sur le Népal. Mais c'est ça, et puis on s'attache au personnage aussi. Et finalement, le personnage, on s'attache plus ou moins, mais en fait, le personnage principal, c'est l'Everest. Oui, ouais, parce que c'est des figurants, c'est quand même des figurants. Il n'y a pas vraiment de premier rôle, à part Rob, qui est un peu le leader. Parce que, voilà, après, il y a l'histoire avec sa femme enceinte. C'est secondaire, ça, je pense. Oui, c'est secondaire, mais ça prouve que c'est lui qui centralise le récit. C'est lui qui centralise le récit, mais je veux dire, bon, c'est pas. C'est les gens, ce qu'ils attendent, je pense, enfin, qu'ils voient dans le film, c'est ce qu'ils vont s'en sortir. Alors, quand t'es pas au courant. Bien sûr, quand t'es au courant, il y a un peu spoil. Quand t'es au courant, bon oui, mais enfin bon, c'est tragédie, c'est quand même, voilà. Mais il y a l'aspect justement où t'es en couple, voilà, pour ce gars-là, sa femme est enceinte. Il y a toute une réflexion. Tu te dis, je vais quand même peut-être mourir et je vais laisser ma femme. Parce qu'en fait, il y a cette relation entre l'homme et leur femme. Alors déjà d'une, parce qu'ils sont six mois sans nouvelles, parce qu'ils ont téléphone satellite en 96. C'est pas voilà, on est pas en 4G là-haut, plutôt c'est même maintenant. Hein. Mais il y a cette relation vraiment où elle s'inquiète énormément en fait. Il y a l'aspect personnel quoi. Enfin, ouais. Et en fait, on sent déjà la tension, tu sais, à l'aéroport au début quand on lui dit au revoir. Ouais. Vraiment, à la limite, les larmes aux yeux, genre reviens-moi et tout, quelque chose comme ça. Et comme un espoir. Tu sais, il y a un petit genre, il y a un truc qui va pas ou je le sens pas. Mm. Voilà quoi. Mais c'est vrai que la femme du Texan là, Burke là, c'est vrai qu'elle a remué les terres pour le. Et lui, il a eu énormément de chance. Enfin, s'il peut avoir de chance, parce que avoir plus de nez et plus de mains, c'est un peu ouais, mais en plus, on voit dans le film qu'il s'est relevé après s'être endormi. Il a vraiment eu quand même beaucoup de chance et de force pour revenir. Ça peut arriver. Ouais. Bon, je pense que ça peut arriver. La preuve, c'est arrivé. C'est miraculeux. Je veux dire, il n'aura jamais dû s'en sortir. Il y a des miracles comme ça qui ne sont pas. Le mec, il a une volonté où il n'a pas lâché, quoi. Tu voyais les mains, le nez, mais de toute façon, tout était cuit, quoi. Tu pouvais plus les bouger, tu sais, où tu lui mettais les mains dans le seau d'eau chaude, là. Ouais, c'est ça qu'on voit. Tu sentais plus rien, d'ailleurs. Ouais, c'était mort. Mais alors, par contre, ce que j'ai aimé, et vraiment, c'est le point de détail, c'est la scène de l'hélicoptère, où le pilote explique, vous inquiétez pas, l'hélicoptère va tomber, Et la palme, en fait, elle va récupérer l'air à partir du moment où il y aura plus d'air. Mmh. Parce qu'en fait, il y a tellement quasiment pas d'air là où ils sont, c'est ça, que l'hélico, il peut... Il tournait presque il peut pas ça. Se relancer. Ouais, ouais. Donc, en fait, il avance l'hélico, et tu vois l'hélico tomber, mmh, et remonter après. Et c'est là où tu vois que les meilleurs pilotes du courisme, ils sont là-bas, quoi. Ouais. Parce que les mecs, ils ont énormément... les courants là-bas, il faut les gérer, quoi. Ouais. Ouais, je pense qu'ils ont vraiment, dans le film, ils ont oublié personne. Autant au niveau secourisme... au Canada. Oui, il n'y a pas de défaut technique. Enfin... C'est pas, après, je ne suis pas assez expert, on n'est pas assez expert pour dire au niveau de l'alpinisme, il a pris un cran. Non, mais ça reste, ça ouais, reste, non, là, ça reste quand même crédible. Au niveau cinéma, je peux t'en parler, mais l'alpinisme. Et, ça reste, ouais, ça reste quand même crédible au niveau, ne serait-ce qu'au niveau qu'on explique, voilà, au niveau santé, ce que les gens risquent. Il y a déjà la femme médecin qui explique, voilà, qui leur fait passer des examens tout au long des 6 mois, en fait. Ouais, ça, elle l'explique tout le film, ça fait partie des points chiants, quand même. Hein, parce qu'elle rabâche la même chose à chaque fois, et moi, je prépare pas l'expédition, lui. Voilà, elle rabâche à chaque fois, pas forcément, mais... Mais ça te dissuade peut-être de le faire, si tu... Ouais, j'avais pas prévu d'y aller. Hein. Non, mais bon, ça peut... Mais, ouais, après, effectivement, c'est vrai que si ça n'intéresse pas les gens, la montagne ou les sports extrêmes, bon, c'est vrai que, voilà, tu peux passer un bon moment. Après, si ça t'intéresse pas, je pense que ça t'intéresse pas, et c'est pas grave, quoi. Ça se regarde, voilà, pas... Ouais, après... Voilà. Bah, même moi, tu dis... un peu plus que les autres, parce que comme nous aussi, on faisait par palier. Ouais. Au moins que, parce que moi, je fais pas d'alpinisme, mais ils nous faisaient quand même passer par palier, parce que mine de rien, voilà. Oui, pour récupérer, quoi. Au niveau zéro, et pour arriver, moi, je suis arrivé à 5416, exactement, au tournant là. Coucou mon Juju, toi qui as fait avec moi, je sais qu'il écoute le podcast, tous nos podcasts, alors je fais un petit coucou. Tu veux dire qu'il va l'écouter? Il va l'écouter. C'est dans le futur. Il écoute tous nos podcasts. Oui, je sais. Voilà. Et voilà, et du coup, voilà, c'est quelque chose. Je suis sûr que Julien, s'il a vu le film, je pense qu'il pensera, il pensera pareil que moi, je pense. Parce qu'on a une bonne tempête de neige aussi, nous, à la station. Et du coup, les gens sont pas passés, eux. D'accord. Ouais. Les Allemands, ils sont pas passés, nous, on est passés. Voilà. Ça sent le mesquin, ça. Voilà. Non, ouais, c'était par un peu dans mon expérience personnelle aussi, mais bon, c'est ça, je me suis reconnu pas mal dans certaines scènes. Ouais. Bah, d'ailleurs, toi aussi, t'as plus de nez. Hein. Ouais, bah, c'est vrai que je peux pas te sentir. Ça va bien. Voilà. On les voit loup pour ce film. Par contre, quand tu dis qu'on passe un bon moment, c'est quand même pas super feel good comme film, quoi. À la fin, t'as plus les trois quarts qui meurent, oui, qui sont laissés sur place en plus parce qu'on peut pas les ramener. Bon. Moi, je passe un bon moment devant le soldat Ren aussi. Hein. Ouais, donc, mais toi, t'es particulier. Je suis particulier aussi, mais tu participes quand même. Il y a quand même une bonne partie du film au niveau de l'ascension où t'as quand même des sacrés paysages. Oui, voilà. Ça, par contre, c'est ce que j'ai noté. Il y a quand même des jolis. Des sacrés points de vue. Voilà, des jolis points de vue. Il y a un casting qui est pas mal. Ouais. Mais bon, de là à dire que j'ai passé un bon moment, oui. C'est un peu déprimant à la fin quand même. Ouais, bah ça finit mal, mais ça finit comme il y a une introduction dans le film où il y a énormément de morts à l'ascension de l'Everest. Ouais. Et encore plus maintenant qu'il y a des explications commerciales. Ouais. Voilà. Donc, mais maintenant il faut quand même, tu peux plus faire comme ça l'Everest. Il faut une histoire, il faut avoir déjà fait plusieurs ascensions de très grandes. Oui, tu t'attaques pas à ça direct. Hein. Non, de toute façon, c'est un prérequis. Je sais qu'au niveau du trek, tu t'arrêtes à la base. À la base, tout en bas de l'Everest, à la base de l'Everest, mais sinon, la haute montagne, c'est autre chose. C'est autre chose. Tu vois les dangers, les échelles et tout, traverser des crevasses de fou. Oui, ça, c'était une belle scène d'ailleurs, traverser les crevasses avec les échelles. Ça marchait bien, ça. Faut avoir confiance, quoi. Faut avoir confiance. Et franchement, pour installer des échelles et des cordées jusque tout en haut, les mecs sans sécurité qui vont installer tout ça, là chapeau quand même. Les mecs, il y a eu des temps de mort, rien que parce que les mecs, ils installaient des cordes. Hein. Tu sais, ça me fait un peu penser, tu sais, dans les arbres. Là. Ah, les tyroliennes, là, enfin les... Ouais, tyroliennes, à chaque fois, tu te mousquetons, à chaque fois, tu changes de corde, et il faut tout le temps que tu sois accroché. Peu importe où tu es, tu dois accrocher quelque part. Tout le temps, ouais. Ouais. C'est quand même assez intéressant. Après, comme dit Olivier, c'est vrai qu'il y a franchement, ça t'intéresse pas, ou tu prends un peu plus d'action, ou tu penses que la préparation est trop longue, ça peut s'entendre. Par contre, moi, ça me choque pas. Moi, perso... Ça doit être dit, je pense, aussi. Ouais, je pense. Ouais. C'est pas cliffhanger, quoi. Non. C'est le même style. C'est pas vertical limite, surtout. Non, on m'en parle pas. Non. Voilà. Ah bah oui, mais il faut en parler. C'est soit tu veux de l'action, donc quand tu regardes Vertical Limit. Non, Vertical Limit, t'as pas d'action, c'est naze. Entre guillemets réaliste, et tu prends. Et tu regardes Cliffhanger. Aussi, au niveau réalisme, c'est pas mal. Là, c'est vrai, je trouve toujours beaucoup de valises de plusieurs millions de dollars dans la neige. Non, puis de toute façon, tu montes toujours une montagne en Marcel, quoi. C'est classique. Ah oui, bah, jamais faux. Ça tient chaud le Marcel, moi. Oh, bref, pour moi, décroche. Bonjour, ça va? Je m'appelle Beck. Doug Hansen. Tu fais quoi quand tu grimpes pas, Doug? Je distribue le courrier. Le premier facteur sur l'Everest? J'espère. Ça me plaît. Je sais que vous êtes tous des alpinistes aguerris, sinon vous seriez pas ici. Mais l'Everest, c'est l'endroit le plus dangereux sur Terre. Comment est la météo? Très bonne. J'aimerais être avec toi. On grimpera ensemble la prochaine fois. Tous les trois. Et ta femme? Oh, elle va très bien depuis qu'on a divorcé. Et bonjour tout le monde! Tiens, voilà le maire du camp de base. Assieds-toi, acclimate-toi. Les êtres humains ne sont pas conçus pour fonctionner à l'altitude de croisière d'un 747. Nos corps vont littéralement mourir. Le jeu consiste donc à vous conduire au sommet et à vous ramener en bas avant que ça se produise. Là, je souffre. Dans quelques jours, et pour toute ta vie, tu seras le type qui est arrivé au sommet de l'Everest. Bravo, camp de base. Rob, où es-tu? Au sommet de l'Everest, Hélène. Oh, non. Rob, réponds. Il y a des nuages qui montent de la vallée. Beaucoup de nuages. Oh non. On a du monde bloqué là-haut, et la tempête s'aggrave. Pas de problème. On n'a plus d'oxygène, Doug. Continue. Non, je t'abandonnerai pas. Allez. Non, je veux pas mourir. Rob, tu m'entends? Non. Il faut que tu bouges vite. Non. C'est toi. Je t'aime. Bon, c'est un autre débat. Ouais. Bon, bah merci Julien. Je vous en prie, les enfants. Alors, tant qu'on est dans les morts en grande quantité, Louise, on va passer à toi. C'est glauque quand tu dis ça. Ah, bah écoute, t'insistes. Tiens. Alors moi, de mon côté, j'ai regardé Antarctica, un film de 1983, mais qui qui s'inspire de faits réels qui se sont passés entre 1957 et 1958. Et effectivement, celui-là non plus, il est pas feel good du tout. Du tout. Du tout, du tout. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une équipe de recherche japonaise qui se rend sur une île, bah du coup, pas très loin d'Antarctique. Bah, je l'ai pas vu. Et je vais encore faire une bourde de géographie, je le sens bien ça. Dis-moi tout. Mais non, vas-y, vas-y. Exprime-toi. Et, bon, bref. Ils vont faire une. Ils vont sur une île, du coup, qui s'appelle l'île Ongul, je crois. Ongul, Ongul. Bon, vas-y, Julien, ça te brûle les lèvres. Vas-y, non, sors-le. Non, vas-y. Ah non, non, non, mais moi j'ai rien à dire. Vas-y. Vas-y. Allons sur ton île. Enfin, tu l'île comment, Julien? Ongul. Je ne sais pas comment ça se... Bref, on s'en fiche. Oui. Où ils veulent aller faire des recherches météorologiques et géologiques. Ils ont rencontré quelques petits problèmes de matériel. Du coup, en fait, ils ont dû aller faire leurs recherches avec des chiens de traîneau pour pouvoir les amener jusque sur leur base et sur les sites de recherche. Et moi. Ah, c'était long, je peux pas. Émilie peut peut-être te dire, mais moi je l'ai pas vu là pour le coup. Si tu veux, tu peux couper et puis elle reprend. Oui, bah oui, ouais. Je peux, mais parce que là, ça va. C'est... Ah, mais je vais couper au montage, ouais, c'est pas grave, je vais pas laisser une demi-heure de blanc. Ouais. Ouais, ouais. Ah, mais c'est ça quand le film est long. Hein. Il est combien? Je l'ai pas revu. 2h20 par. Combien? 3h20 le film? 2h20. 2h20. Bon, ça va, c'est gérable, 2h20. Ouais, ouais, 2h20 avec des chiens qui courent dans la banquise. Ah, mais il s'engueule. Il s'engueule, c'est vrai. Je vais peut-être pas couper. En fait, on oublie qu'on a coupé, en fait, on est en plein de salopes. J'ai pas coupé, hein. Ah, merde. Oui, mais après, je fais des montages. C'est les deux protagonistes. Comme ils ont des problèmes de matériel, tu comprends. Ah, bah, à part que ça prend toute la neige, c'est la survie de chiens qui se retrouvent abandonnés, quoi. C'est ça. Des chiens qui sont morts. On reprend. Parce que là, nous, on a dit des conneries, mais vous y étiez, c'est bon, on a donc, des diversions. Pour reprendre proprement ce que je disais, on est une équipe de Japonais qui va se rendre sur une île pour faire des recherches. Et en fait, il se passe qu'il y a plusieurs équipes de recherche qui sont censées se relayer. On a la première qui doit partir, et qui doit forcément, logiquement, être remplacée par la seconde, qui va devoir s'occuper des chiens et aller aux expéditions à leur place. Manque de peau, il y a de très très mauvaises conditions climatiques là-bas qui font que l'arrivée de la deuxième équipe va être annulée. Et le problème du coup, c'est que bah, ils ont laissé les chiens sur la base. La première équipe a laissé les chiens sur la base et eux sont repartis. Et en fait, du coup, les chiens vont rester seuls sur l'île pendant pas loin d'un an en fait. Pendant pas loin d'un an, ils vont être seuls et ils vont devoir, grossièrement dit, survivre, quoi. Essayer de se nourrir, de subvenir à leurs besoins autant qu'ils le pourront. Et du coup, oui, effectivement, c'est pas du tout feel good. Pourquoi ? Parce que à la base, il y a 15 chiens et ils vont tous dépérir petit à petit dans divers accidents. Il y en a qui vont mourir de faim, il y en a qui vont se noyer, il y en a qui vont tomber de falaise. Et ils sont attachés hein, au départ. Enfin. Oui, voilà. À la base, en fait, la première équipe de recherche les avait attachés pour que la deuxième équipe les récupère comme ça, pour qu'ils soient tous à leur place et éviter qu'ils aient à courir après. Et la plupart des chiens ont réussi à se détacher, du coup, pour essayer d'aller se nourrir. Et puis, bah, clairement, ils devenaient complètement dingues, en fait. Ça les rendait complètement fous. Et à un moment dans l'histoire, on a deux personnes qui faisaient partie de l'équipe, de la première équipe d'expédition qui voulait récupérer les chiens, sauf que tout le monde était contre parce qu'il y avait des problèmes de carburant, des défaillances au niveau des hélices et du gouvernail du bateau. Du coup, ils ont été obligés de rentrer au Japon. Et voilà, ce que je disais, c'est que on a plusieurs des chiens qui sont morts pendant sur l'année entre 1957 et 1958. Et plus tard, on a ces deux chercheurs qui voulaient récupérer les chiens, qui vont retourner sur la base et ils vont se rendre compte qu'il y aura eu au final deux survivants. Les chiens, ils s'appellent Taro et Jiro, et au final, on comprend pourquoi est-ce qu'ils ont survécu. C'est tout simplement parce que ils ont été élevés à même directement sur la base, là-bas sur l'île. Du coup, en fait, c'était entre guillemets les plus à même de résister aux conditions climatiques qui étaient compliquées. Ouais, ils connaissaient déjà l'environnement, quoi. Mmh. C'est ça. Après, ce résumé est absolument laborieux de ma part. Ouais, mais c'est pas grave, ça sera coupé, ça va pas se voir. Ce que je peux en dire, c'est que au final, j'ai l'impression que, comme ce que disait Julien par rapport à Everest, c'était plus un documentaire qu'autre chose, en fait. Et c'était très, très, très, très lent. Et puis, il y a vraiment une voix off, hein, je crois. Il y a une voix off. Ça fait... Et une voix off, et du coup, c'est qui la voix off ? Waf, waf. Oh, c'est bien quand tu participes, moi j'aime bien. Ah, j'aime bien, mais il faut un petit jaman. Waf waf. Eh, c'est bon ça. C'est bon. Bon. Ce qui rajoute au fait que ça fasse vraiment. Ouais, un documentaire. Puis, du coup, oui, comme on suit la vie des chiens sur quasiment un an, au final, forcément, il n'y a pas de dialogue, c'est que des images. Donc, en fait, vulgairement, on aurait pu regarder Arte, ça aurait été quasiment pareil. Et encore, sur Arte, c'est moins morbide. Là, ils meurent tous quand même. Sauf deux. Sur 15 chiens, il va en rester deux. On est à peu près sur le même ratio qu'Everest, au final. Ouais, sur 20, il en restait 6, 15, il en reste 2. Il en restait quelques-uns, quand même. Si on parle de chiffres, mais pas de noms. Ouais. Non. Ouais. Non, puis, ouais, non. Moi, ça parlait dans le film, quand même. Beaucoup. Ouais, ça parlait beaucoup. Oui, j'ai noté en point négatif, ça parle quand même énormément. Bah oui, il faut communiquer là-haut. Quand même. Oui, un petit peu. Mais ouais, ça prend quand même beaucoup de temps à se mettre en place. Après, faut dire que de mon côté, j'ai regardé la version intégrale de qui dure au total 2h20, alors qu'il me semble que la version entre guillemets classique qui était sortie au début durait 1h15, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, ce serait plus cohérent, parce qu'en général, les sorties sales avant les années 90, c'était sous 2h. Surtout Disney, c'était entre 1h30 et 2h. 2h20, ça fait vraiment long Disney, pour un film documentaire Disney. Disney, il est sorti après. Ah oui, après, oui. Il est sorti quand le Disney, film? Je crois que c'est... Ah non, pas le Disney, Antarctica, c'est pas Disney? Non, en fait, il y a Antarctica, entre guillemets, l'original, qui est de Koreyoshi Kurapara. Oui, effectivement, et c'est pas Disney. Et l'idée a été reprise par Disney en 2006... En 2006, oui, c'est ça. D'accord. Et ça, ils ont un petit peu changé le nom, c'était Antarctica, prisonnier du froid. Je suis sûr qu'il y a moins de chiens qui meurent. Oui. Oui, parce que, au final, c'est ce que j'avais compris, ils l'ont rendu. Généralement, les Américains, ils aiment pas qu'on fasse tuer les chiens, les animaux domestiques, surtout domestiques. Chez les Américains, ça passe pas trop bien, ça. Et j'ai un doute, mais je crois que dans la version remake de Disney, en gros, tout le monde survit et c'est. Ouais. Ce qu'il aurait reproché aussi à Disney, c'est qu'il prête beaucoup de sentiments humains aux animaux, alors que concrètement, personne n'en est sûr, quoi. Non, mais ça... Enfin oui, il rendait la chose totalement niaise. Là, pour le coup... C'est brut, quoi. J'ai envie de dire pléonasme. C'est très dur, en fait, je trouve. Oui. Moi, qui suis super sensible à la douleur animale, je me suis dit... Catastrophe. Oui, mais t'as pas pleuré, t'as dit. Non, bah, il était long, donc j'ai eu le temps d'aller chercher les mouchoirs, d'attendre de pleurer, puis au final j'ai pas pleuré. Tu l'as regardé en plusieurs fois ou d'une traite du coup? D'une traite sur 3 heures. Ouais. Une traite avec un pause pipi au milieu. Ouais, alors c'est plus une traite là. Ah, c'est une traite avec pause pipi. Ouais, ça fait un gros pipi là quand même. Ah, deux pause pipi. Ah, ça fait quand même. Bon, arrête de faire chier. En soi, il est pas si mal que ça, mais vraiment... pas si mal que ça, déjà, ça pique. Il faut s'accrocher. Moi, clairement, je sais que j'ai eu beaucoup de mal à supporter certaines... Concrètement, il n'y a rien de choquant, mais j'ai eu du mal à supporter certaines images ou certaines idées d'images qui pouvaient se passer pour la mort des chiens. Un petit chien. Oui. Oh. J'aime bien les petits chiens, en plus. C'est gentil. Ils sont gelés maintenant, c'est bien. Bah, ils ont plus froid aux genoux. Ouais, ils ont plus froid aux genoux. En plus, avec la fonte des glaces, peut-être qu'ils vont se réveiller, on sait pas. Non, ça c'est dans Demolition Man, ça, Julien. Hein, pas... Et toi, tu l'as pas vu, non? Je l'ai pas vu, non. Je l'ai pas vu. Non, j'ai vu l'ours déjà, ça. C'est quoi le rapport? Ouais, parce que l'ours, c'est toujours assez. Après, tu vois un ours qui se promène là, pendant le film, là, pendant plusieurs heures aussi, pareil. Il n'y a aucun rapport, quoi. Bah si, parce que eux, c'est des animaux, mais en fait, il n'y a personne qui parle. Ouais, moi j'ai vu Babe, c'est pareil. Là, t'as l'ours qui se promène pendant des heures, et là, c'est les chichicha, les chacha. Non, mais il y a quand même... moi, je l'ai vu quand j'étais gamine, ce film-là, je l'ai vu X fois. À chaque fois, je pleurais. J'ai essayé de le revoir il y a un an. J'ai pas réussi, hein. C'était trop long, c'était... Et en fait, il y a quand même... Il y a quand même une humanité, même si les chercheurs, ils sont... Et pourquoi les chercheurs, ils ont mis un an à revenir? Je sais plus par quel... tu as peut-être bien ce détail. Ils ont dit, tiens, on va retourner sur la base. Ils se sont pas aperçus, tiens, je crois qu'on a oublié un truc, mais je sais pas. Non, mais c'est pas le gaz. À la base, ils étaient pas au courant qu'il y avait les chiens, ils pensaient qu'ils étaient revenus tous. Oui, ils pensaient qu'à la base, les chercheurs principaux qui s'occupaient des chiens, on pensait qu'ils allaient aussi récupérer les chiens. En fait, quand ils étaient sur le bateau pour retourner au Japon, ils ont dit, mais en fait, où sont les chiens? Tout simplement. Et ils les ont laissés. En fait, ce qui les a fait revenir sur l'île, c'est même pas les chiens, c'est de devoir récupérer du matériel de recherche. Et du coup, les deux chercheurs en question, ils en ont profité pour essayer de retrouver les traces des chiens. Ouais. Je trouve pas ça très cohérent, c'est quand même bizarre, leur truc. C'est quand même 15 chiens, quoi. Tu vois, mais c'est dans les années 50, les chiens, tu t'en fous. Dans les années 50, le chien, c'est du matériel de laboratoire. Au même endroit, l'info n'est pas passée, quoi. Il y a eu un espèce de... d'oubli de... Ils sont pas rentrés sur la même base, après. C'était un relais, comme tu disais. Et bah, les après oui, si les comédies Olivier, mais à l'époque ils s'en foutaient, à la limite je veux bien, mais sinon bah, oui. T'as deux équipes, s'il y en a qui dit je les ai pas et l'autre je les ai pas, bah déjà le temps que les deux équipes elles communiquent, regarde Everest, les deux équipes le temps qu'elles ont mis à communiquer, c'est pareil. Ouais, mais personne s'oublie au passage, quoi. Bah, si je... Ah, j'ai oublié de te dire, j'ai pris les dernières bouteilles d'oxygène. C'est genre... Oups. Oui, mais d'accord, mais c'est pas genre... le mec, ça fait combien de temps qu'il est là-haut? Un an? Ah bah, on va peut-être aller le chercher, quoi. Tu vois? Oh non, les choses, c'est trop tard. Là, c'est... on a oublié qu'un chien, et puis au bout d'un an, il dit, tiens, on va aller chercher les chiens. Et du coup, pour enfoncer encore plus le clou, dans l'idée... T'as été assez muet pour pas qu'on t'entende, mais je précise que quand Héloïse a dit enfoncé, il a dit oh oui. Voilà. On va rétablir la vérité. Ça, j'ai passé pour un pervers dans tout le monde. Oh, bah, penses-tu? Tu peux retirer tes doigts de la mousse du micro, s'il te plaît. Ouais, j'ai le droit de m'amuser. De l'intérieur de la mousse du micro. Ah oui. Voilà, c'est bien. Voilà. Donc, quand enfoncé. J'ai plus rien dans les mains. Vas-y. Donc, pour. Je disais, pour enfoncer le clou de la situation, pas feel good. En fait, à chaque fois qu'on a un chien qui décède, on a la photo du chien sur le lieu où il meurt, son âge, son nom, le lieu où il a été élevé, ou enfin son lieu d'origine, d'où il vient, et la date, tout simplement. Et en fait, on a ça pour bah, pour tous les chiens, sauf les deux derniers. Mais s'ils sont pas morts. Non, sans déconner. Oh, ils auraient pu faire pour la blague. C'est déprimant en fait parce que. Bah je sais pas en fait bah ça fait ouais, l'ambiance décompte, l'ambiance de toute façon l'ambiance est déprimante hein, c'est super morbide et c'est il y a jamais de soleil quoi, il y a pas de contraste dans le film. Il y a 6 mois de nuit normalement là-bas donc le soleil non ouais, mais ouais. il fait jour comme ça là, enfin c'est précisons que c'est comme ça, c'est très gris, voilà, c'est très que gris comme ça, on est c'est au la jour, neige est grise ah ouais, c'est le noir, c'est pas comme Everest quoi, il y a pas de contraste, il y a pas de Donc voilà, c'est super triste et c'est poignant, mais en même temps, c'est quelque chose que j'ai quand même du mal à prendre au sérieux. Soit c'est le côté trop documentaire, soit c'est le fait que peut-être les Japonais sont pas ultra expressifs. Je sais pas. Oui, ça, c'est presque raciste. C'est... Ah, non, mais c'est très bien le racisme de temps en temps. Non, faut dire si, qu'ils si, sont il faut froid. Savoir, ils sont froids, ouais. c'est vrai, irigeaux quoi. Du coup, évidemment, on sait pas trop leurs sentiments, quelque part. Et puis, vrai. Comme ils rient toujours jaunes, bah, ils ont pas les yeux bridés, c'est ça? C'est ça. Ouais. Maintenant, tu vois, c'est pour ça. Mais c'est pour ça, du coup, ils ont pas d'expression, donc ils ont pas de rides. Bon, donc on a empilé les clichés. Donc, alors, ok, donc, c'est bon. Sans transition. Est-ce qu'on va avoir le procès au cul ou pas? On est comment? Si, ouais, peut-être. Peut-être. On s'excuse devant nos amis asiatiques, on se fera un bol de riz, à l'occasion. Ouais. C'est le nouvel enchaînement. Et puis on est de fou au moyen de riz. Ouais, c'est ça. Bon, gars. Fais pas Michel Lebsto. C'est gênant pour tout le monde. C'est les narines, ça. C'est... Bah, du coup, c'est l'année du cochon aussi. Hein. Ah, bah, t'es dedans, toi, t'es bien. C'est vrai. Non, mais moi, je suis coq. Je suis pas cochon. On t'a vu manger. La cochonne? Non, t'as vu manger. On sait comment tu manges. Ah. T'es bien cochon. Oui, bon, bref. Ouais, bon. On était où, en fait? On était à Antarctica, on est parti loin quand même. J'ai du mal à prendre le truc au sérieux parce que les Japonais ne sont pas expressifs. Bah, oui, c'est ça. Bon, on n'en voit pas beaucoup en fait. Hein, Ah, parce qu'ils sont discrets, c'est pour ça. D'humains dans le film en fait. Enfin, c'est toujours un peu éloigné quoi, c'est. Ouais, t'as l'impression que c'est, j'allais dire à 15 millions de kilomètres, mais c'est limite ça quoi. Donc, ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est. Pas dire. J'ai l'impression qu'il y a deux trucs totalement différents, c'est le côté humain, le côté chien, et j'ai beaucoup de mal à rapprocher les deux. Mm. Bref, pitié, après je m'en supplie. Non, continue, ça m'intéresse, moi. Sur le côté, si, le côté sentiment humain, sentiment animal. Mais tu sais pas ce que c'est, toi, les sentiments. Bah, moi je préfère les animaux, donc tu préfères déjà de base. Ah, j'ai cru qu'il allait le dire lui-même, je suis déçu. Ah putain, non, t'as vu, elle a bien quand même, hein, cette fille, hein. T'as vu, elle commence à. Connaître, hein? C'est des petites blagues salaces. C'est... Elle est toujours à côté de toi, je crois que c'est ça le problème. Ça déteint. Elle peut être en face, je pense que ça sera pareil. C'est le quatrième podcast, non? C'est le quatrième, oui. Ouais. この壮大なドラマは始まった。 じめとする15頭の犬たちの奇跡の物語が前人未到の南極ロケによって今その全貌を表す南極物語。 Bon, bon, on va passer à la suite alors. Allez. Bon, du coup, Émilie, tu prends le relais ? Oui. Donc, moi, je vais vous parler de Snowpiercer, le transpersonnage. Donc, Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu te marres déjà ? Non, je pensais à un truc, c'est pour ça. Bah alors, vas-y. Non, c'est vas-y, dis-le maintenant. C'est rien à voir. Non, mais tu vas l'avoir tout le temps, là. Non, je vais pas te regarder. Il va se bidonner à chaque fois que quelqu'un va raconter un film. Mais pourquoi tu rigoles ? Vas-y, regarde. Non, je rigole. Mais je rigole. Non, vas-y. C'est jaune. C'est... Donc c'est un film qui est sorti en 2013 de science-fiction sud-coréen. Donc le réalisateur c'est Bong Joon-ho, que tout le monde connaît aussi. Oui, qu'est-ce qu'il a fait ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est bon ça. Donc je sais qu'Emmy sait pas ce qu'il a fait. Je crois qu'il a fait The Host et Memories of Murder. Voilà, donc, entre autres. Le film que je n'ai pas vu. Bon. D'accord. Bon. Et il n'est pas juste coréen, c'est qu'il est franco-coréen, américain. Bah oui. Oui, français. Dans le réalisme. Oui. Scénariste français et acteur américain. Et ouais. Alors, le scénariste. C'est dommage, j'aurais joué. Kelly Masterson. C'est un acteur personnel comme ça, c'est laid. Ça, c'est laid. Non, ça va, sans Jean de Jardin, on se tire très bien. Et donc, ce film, en fait, est tiré d'une BD française. Voilà. Qui s'appelle Le Transpersonnage. Ouais. Ouais. Dessiné par qui? Jean de Jardin. Ouais, vas-y, tu vas même dire. Ah bon, j'ai oublié. Voilà. Bon, bah, vous ne saurez pas, vous allez chercher. Bon, non, je crois pas, non. On mettra les références, voilà. Il y a Donc, les acteurs principaux, il y a Chris Evans. Je joue Julien. Ouais. Il y a Ed Harris. Ah, c'est mieux, voilà. Oui, il y a Rock. Oui, ça je sais. Ouais, mais enfin bon, quand même. Il a pas fait que ça. Non, mais bon. Stalingrad. Et il a fait Abyss. Abyss, bien aussi. Donc, alors, le pitch. Donc, en fait, la thématique, c'est on va bousiller sa chronique. Voilà, c'est ça. Ah non. Vous l'avez vu, en fait? Le transpersonnage, tu l'as vu? On l'a vu ensemble, mais... Ah oui, c'est vrai. Non, mais alors, Héloïse, tu l'as vu? Ouais, je l'ai trouvé excellent. On est d'accord. Et ouais. Julien, non. Non, je l'ai pas trouvé nul, mais comme je supporte pas Fessela, je trouve qu'il fait un peu trop gamin, en fait, pour ces gens-là. D'accord, donc c'est juste par rapport à... Je pense, maintenant, en lui-même. Enlève ta main de devant ta bouche, bordel. Mais c'est pas devant la bouche, je suis comme ça, là. Pour une fois que c'est que la main qu'il a devant la bouche. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Non, non, non, non. Mais c'est alors, si sale. On met ça, bonjour. Ah, hein. Oui, mais ça devient sale. Oh là là, c'est dingue, on peut plus travailler dans ces conditions, c'est pas possible. Donc, le pitch. Ah oui, vas-y, pardon, t'as plus fait. Alors. T'as manger? Putain. Ça, on va pas y arriver. Bon, allez, là, enchaîne. Donc, on est en 2031 dans le film. Et, il y a un train qui, un train qui roule avec des... Il amasse la mousse, d'ailleurs. Il amasse de la neige, pas de la mousse. Mais pas, il amasse pas parce qu'il va trop vite pour amasser la neige. Donc, un train. Il qui... la bon, vous faites chier, là. Un train. Émilie, fais un effort, concentre-toi. S'il te plaît, on comprend ton résumé. Ça devient n'importe quoi, là. Donc, c'est un train qui transporte, en fait, des gens. Et en fait, c'est les seuls survivants d'un cataclysme qui s'est passé 17 ans auparavant. Où, en fait, donc c'était en 2014. Il y a un réchauffement climatique très grave. Et ils décident de faire de faire échapper un gaz... un gaz qui va refroidir l'atmosphère. Et en fait, bah, ça a merdé et... ça, c'est le cas de le dire. Faut te dire que là... Quand tu es sur le bug. Ça laisse des traces. Et donc ça provoque un cataclysme et il y a la nouvelle ère glaciaire qui s'installe. Et donc en fait toute l'humanité est foutue et en fait ils gardent les seuls survivants, ils le mettent dans un train et le train il fait le tour du monde sans s'arrêter depuis 17 ans. Si il s'arrête, il gèle. Voilà, et en fait il d'où son nom puisque c'est le froid dehors et ben il transperce la neige, voilà, hein, c'est tout. Il casse la glace aussi, mais c'est vrai que le casse-glace, ça faisait moins bien. Carglass répare, Carglass remplace aussi, hein. Alors, donc, en fait, donc c'est un huis clos, hein, quasiment. Bah, c'est sûr que les œufs en extérieur, hein. C'est vite vu. Voilà. Et donc, donc, en fait, on a toutes les classes sociales qui sont dans le train. Faites les affaires prépuces, là. Tiens, c'est cadeau, mais c'est pour toi. C'est cadeau. Heureusement qu'il n'y a pas la vidéo. Oh la vache. Moi, je crois qu'un prépuce, tout le monde imagine comment c'est. Oui, mais voilà. Alors, la question, Julien, avec quoi tu fais ton prépuce? Alors, tiens, parle. Petit chapeau melon. Il y a une capote, en fait. Ça, juste. Donc, en fait... C'est juste un chapeau, hein. Allez, et en fait, dans le train, qui est immense, on a toutes les classes sociales, de la queue de train à la tête. Donc on a les plus pauvres en queue, et en tête on a Will Ford, qui est le créateur de ce train, et donc il est au tout début. Du coup... Et peut-être, néanmoins... le réalisateur, il a pour habitude, en fait, de... Comment tu peux savoir ses habitudes si t'as pas vu ses films? Bon, bah, franchement... Non, mais notamment dans celui-là. Ah, donc il a pris des habitudes sur un film. Bah, bravo. Tu vas me couper tout mon truc, hein. Ouais, vas-y, là. Laisse-lui s'exprimer un peu, là. Oh, ta gueule, toi. Oh, le bitch. Donc, il a pour habitude, j'essayais de dire aux choses qu'en fait, de mélanger des genres. Il y a toujours une ambiguïté entre les méchants, les gentils, il y a des anti-héros. Il essaye de casser un peu les codes de peut-être d'autres réalisateurs. Ça veut rien dire. Bah non, ça veut rien dire, mais bon, pas grave. Il essaye de casser les codes. Non, moi, ce que j'en ai pensé du film, voilà. Je vais dire ça. Tu nous racontes pas la fin, alors tu spoiles pas? Non, je vais spoiler au fur et à mesure. C'est mieux de spoiler par palier, c'est comme l'Everest, quoi. Tu vois, comme quoi. On y revient. Finalement, les films de neige, c'est toujours par palier, je pense. Alors, du coup, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est les ambiances. Les ambiances, parce qu'on a vraiment, l'esthétisme du film est vraiment, il y a des couleurs par wagon, il y a une ambiance un peu guerre de foutoir dans la queue de train. Plus on avance, plus c'est clean. Ouais. Il y a pas de couleurs au début, c'est un peu le bordel. On est dans la queue de train, il y a énormément de monde. Ils mangent des barres de protéines, on se demande comment c'est, enfin voilà, on se pose plein de questions au départ, et donc après on a le héros qui va vouloir aller jusqu'à la tête du train, et ça va être tout le parcours, toute l'ascension, c'est aussi une ascension quelque part. Là, c'est une ascension à plat, c'est plutôt une avancée. Oui, mais c'est une ascension sociale. L'ascension sociale. Ou une progression. Ouais, on peut arrêter d'être chiant. Non, en fait, c'est une ascension, ça veut dire qu'on monte. Il est lourd, Olivier, aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est l'ascension à la verticale, voilà. Non, ou à l'horizontale. Oui, à l'horizontale. Mais la verticale, dans un train, c'est l'ascension. Mais l'ascension horizontale, ça marche très bien dans certains milieux. Ah oui, ça marche très bien. Ouais, t'en sais quelque chose, toi. Qu'est-ce que t'as pu avaler? Des couleurs, sûrement. Des couleurs, oui. En fait, on parle beaucoup de hiérarchie dans une pyramide. Donc, c'est vrai qu'on est dans l'ascension. Et là, il l'a fait dans un train. Donc, il ascensionne dans un train. C'est ça. Et... En ligne droite. Voilà. Et en fait, on a comme ça des ambiances. Donc, moi, ce qui m'a marqué, c'est quand on arrive dans le wagon, il y a les enfants. La salle de classe, c'est hyper bonbon sucré, limite Tim Burton. C'est tout coloré, on a l'impression d'être dans un autre monde. Oui, donc Tim Burton maintenant. Ah oui, maintenant. Hein, oui. Du mauvais Tim Burton, donc. Oui, du coup, oui. Ça aussi, c'était gratuit. Le Tim Burton de Charlie Chaplin. Même de Big Fish, il y a ce côté coloré. Oui, mais il est très coloré, c'est vrai. Oui, je parle dans l'esthétisme un peu bonbon. Ouais, bah, il s'est payé des merveilles. Voilà, exactement. Le meilleur Tim Burton. Ça passe de Tarantino avec la maîtresse, après. Un peu, ouais, c'est vrai. Ça rappelle vite, mais du coup, ça va. Ouais, ça fait une grosse rupture de ton. Ça fait, ouais. Et c'est ça. En fait, au début, c'est hyper sale. Ça fait sale, ça fait. Les gens n'ont pas d'hygiène. Bah, en fait, concrètement, on peut les comparer à des rats d'égout, tout simplement. Ouais, ça fait. Il y a la promiscuité en plus. Enfin, ça fait. Il n'y a pas de règles. Enfin, c'est un peu l'anarchie. Et justement, alors au début, il y a justement l'équipe qui est en tête vient souvent chercher des enfants. Et en fait, on a l'impression que quand les plus riches mangent, ils mangent justement les pauvres qui meurent, quoi. Enfin, et en fait, on s'aperçoit. Ah, je suis super naïf. Moi, la première fois que j'ai vu le film, quand ils venaient chercher les enfants, je pensais que c'était pour eux, pas se divertir, mais. Comme eux, ils n'avaient pas assez d'enfants, ils en prenaient. Non, pas comme des esclaves, mais pour les éduquer eux-mêmes, quoi, tu vois. Oui. Alors, ils n'ont pas d'enfants, ils ont envie d'un enfant, ils en adoptent un en bas, tu vois. Moi, naïvement, la première fois que j'ai vu le film, je pensais à ça, je pensais pas qu'il est bouffé. Moi, je pensais qu'il est bouffé. Bah oui, parce que qu'est-ce qu'il bouffe, sinon ? Après, c'est moi qui suis tordu. Bah oui. Et en fait, on s'aperçoit qu'en fait, ils prennent les enfants pour faire les esclaves, pour faire tourner la. Pour faire tourner la machine. La machine. Et parce qu'il y a que les enfants qui peuvent se glisser dans les mécanismes exactement, du train pour les faire avancer. Et en fait, on a l'impression de quand on arrive à la fin, on a l'impression que finalement la place qu'a Whitford, bah il l'apprécie pas plus que ça puisque il veut laisser sa place. C'est une sorte de, ça fait comme une dictature quoi. Enfin, c'est il y a une peinture hyper négative et lui-même. S'en plaignerait pas si qu'on le découvre et qu'il soit remplacé. Enfin, il n'est pas forcément à l'aise dans ce rôle. Bon, enfin, ça c'est ce qu'il dit, parce qu'en vrai, s'il était vraiment pas à l'aise dans ce rôle-là, il l'aurait laissé céder bien avant et il s'y serait pas enfermé. Oui, donc mais ça c'est son discours pour dire on n'est pas si bien que ça ici, alors qu'en fait il n'en a pas bougé depuis le début, donc c'est qu'il est possible. Ouais, mais au bout de 17 ans, on se fait chier dans une pièce tout seul. Bah, tu te fais chier aussi à 200 dans 10 mètres carrés. Je préfère être à sa place que. Pareil. Oui, mais justement, le héros qui arrive à la fin, il découvre le truc et. Et il n'y a pas d'espoir, quoi. Surtout qu'il découvre que tout était prémédité, quoi. Bah oui. Que tous sont morts juste pour réguler le train. C'est un peu dégueulasse. Et donc l'espoir de justement quand ils voient à travers la vitre du train un animal, ils se disent bah il y a une possibilité de vie dehors. Et donc voilà, il y a, c'est un peu happy end mais sur une note. C'est l'avion, c'est quoi, c'est l'avion. Non, tout à la fin il y a un animal. Il y a un ours polaire. Voilà. Ouais. Happy end, c'est moyen. Deux gamins qui sortent, c'est un ours. Non, happy end dans le sens où il y a un espoir. Un espoir. L'ours, il va bien bouffer, mais c'est un espoir. L'espoir reste vraiment l'espoir. Quand le gars explique. Oui, avec. Regarde, et la fonte des neiges. Voilà, la fonte des neiges. Oui, voilà. Ouais, ouais. Donc il dit peut-être qu'il y a une possibilité, en fait, c'est un que ça va. Ouais. Que ça va finir par s'arranger. Ouais. Donc. Qu'est-ce que j'ai noté hein? Tu peux parler de haute voix, c'est pas grave, je couperai. Je veux dire, qu'est-ce que j'ai noté? J'arrive pas à lire. Tu veux tes lunettes? Non, ça va, merci. Donc en fait oui c'est on a l'impression que c'est la lutte des classes que ah c'est pas l'impression là je crois que c'est ah oui là c'est oui mais disons que il y en a qu'un seul qui bah, qui peut s'élever mais c'est ça aussi s'élever. La lutte des classes hein, t'as beau dire c'est la lutte des classes, il y en a toujours un seul qui arrive à s'élever, pas deux ou trois. Oui, bah c'est vrai. C'est toujours les leaders qui s'élèvent, la masse qui est derrière elle sert qu'à porter son leader, mais là ça devient une discussion plus du cinéma. Voilà, mais c'est vrai que bon, il y a des choses qui sont pas crédibles parce que quand justement il. Sérieusement ? Non, mais t'es chiant ! Non, t'es chiant ! Oh, vas-y, bah, raconte-toi, vas-y. Ah oh, bah ouais, des choses pas crédibles. Vas-y, après, t'as trouvé d'absurde. C'est un film de science-fiction, donc rien n'est crédible au départ. Faut quand même que t'acceptes la base de départ pour pouvoir être plongé dedans. Oui, c'est science-fiction. Voilà. C'est science-fiction, mais en même temps, tu te dis, c'est aussi. C'est aussi d'actualité. Ça se passe en 2014. Dans l'actualité, on parle de réchauffement climatique. On sait pas encore dans quelle mesure ça peut augmenter. Donc c'est, il y a un fond de, il y a un thème sur l'écologie essentiel, quoi. J'ai rien dit, mais gueule pas. Mais non, mais je te vois sourire là. Et en fait, ce train, ça reste, ça reste comme une allégorie, en fait. C'est parce que bon, ça, c'est de la science-fiction, mais nous, dans nos modes de vie, faudra quand même s'adapter si, enfin, on s'adapte toujours, mais la, les, quel prix. Voilà, ça, on sait pas vers quel, ça montre une possibilité de, qu'il y ait une solution, quoi, qu'il y ait une solution à, aux ressources de la planète, au climat, c'est, ça laisse, voilà, ça peut faire réfléchir sur le, sur le, sur les thèmes d'actualité. Sauf si on s'appelle Julien. D'écologie, bah si, parce que le système d'écosystème. Bah, à la base, en fait. C'est plus social. Moi. Non, parce que même, t'as l'écosystème oui, en vase clos. Quand ça. Tu parles des poissons et les soucis, juste deux fois par an pour limiter l'aquarium. Et aussi, à la fin, quand tu expliques que là, toutes les révolutions ont été faites dans un seul but, de limiter la vie dans le train. Qu'il n'y ait pas trop de personnes dans le train. Pour pas consommer plus de ressources. Donc, c'est un peu le système d'écologie. Et où on devient trop nombreux. Un petit peu au crédit de la planète depuis. Bah, au mois d'août, on a épuisé toutes les ressources de la planète en termes d'énergie. Après, c'est peut-être un peu excessif de créer des guerres civiles pour revenir à l'équilibre, mais enfin bon. Mais c'est la guerre dans ce train, finalement. C'est une guerre. Ah bah oui, c'est une guerre civile. C'est ce que je viens de dire, oui. Oui. Et on a une petite anecdote quand, justement, le train passe un certain cap quand il a fait son tour du monde. Le pont, je sais plus le quoi. Le pont, oui. Et ben ils font une trêve et ils font une trêve 10 secondes, ils sont en train de se massacrer à coups de hache et là ils s'arrêtent pour se souhaiter la bonne année. Ouais, ça c'est très fort, côté absurde quand même. Côté ouais. Absurde, ouais. Le plan est exceptionnel quand même. Ouais, tout le monde s'arrête, c'est 5, la fête. 4, bonne année, hein. Et après ils s'entretuent encore à la hache, hein, c'est mais voilà, moi j'ai bien aimé ce film, je l'ai vu deux fois du coup. Bah oui, et toujours avec le même plaisir. Enfin, pour moi c'est bien réalisé, c'est pas trop long, ça change un petit peu, voilà, c'est un huis clos qui se regarde bien, quoi. Ah oui, ça se regarde bien, ouais. C'est un petit peu dépressif quand même, c'est un petit peu sombre. Oui, c'est ce que j'ai noté en petit point négatif, c'est que c'est quand même voilà, ça non plus c'est pas feel good. En fait, la neige, j'ai pas feel good en ce moment. Non, pas trop. Non, heureusement que je suis là pour monter le niveau. Ouais. Mais franchement, le transpersonnel, je l'ai vraiment trouvé énorme, quoi. Enfin, dans le sens où il faut avoir l'idée de faire un truc pareil. Ouais, faut avoir lu la BD. Oui. Ah, oui. Et par contre, la BD, c'est pas exactement la BD, hein. Non, c'est pas exactement la BD. J'ai pas lu la BD, mais je sais que il a pas calqué. Non, il s'est inspiré du concept, mais c'est tout. Révoltes ont tout échoué à cause de ça. Donc tu suggères... D'ici jusqu'à l'avant du convoi. Le tout d'une seule traite. Le train est le monde. Nous sommes l'humanité. Je suis pas un leader. Curtis, c'est ton destin. Vas-y, remonte-nous de morale. Ah oui. Alors tu vas nous parler de... Ah bah moi je vais parler de Jack Frost. Ah, ah là. On finit par le meilleur. Hein. Ah bah oui, on finit par le meilleur. À fond. À fond. Non mais personne n'a vu, hein, Jack Frost, faut pas se mentir. Si Héloïse voulait le voir, il faudrait que je lui prête, parce que sinon... Non, mais elle regardera pas tout ça. En fait, les gens croient que c'est un autre qui est plus connu. Enfin, alors, non, il n'est pas plus connu, c'est juste que dedans, il y a Julien Lepers. Dans l'autre ? Non, je rigole, c'est Michael Keaton, c'est pas Julien Lepers. Michael Keaton, c'est lui qui fait le Batman de Tim Burton. Okay. Donc en fait, on a plus l'impression quand on fait des recherches que... Ah bah on tombe direct sur celui de Michael Keaton parce qu'il est beaucoup plus connu. Mais il est pas terrible non plus, hein. Faut pas... il est même nul. Enfin, ça n'engage que moi. Donc voilà, moi le Jack Frost dont je vais parler, hop là, il est sorti en 1997, il a été réalisé par Michael Cooney, qui a fait que ça et sa suite. Par contre, il a scénarisé certains films, dont Identity, que moi j'aime bien, qui est une sorte de démarque de Deep Tea Negre, qui était assez sympa. C'est lui aussi qui a écrit le scénario de Jack Frost, autant dire qu'il s'est foulé. Mmh. Oui, oh ben... Je te fais pas dire. Franchement, le scénario d'Everest, ils l'ont même pas écrit. Ah, alors, je... la bah, ramène oui, pas. Si. Ils l'ont pas écrit. Si, c'est une histoire vraie. Ils ont pris l'équipe, ils ont copié tel quel, ça leur a fait un scénario. Du coup, ils ont tué tous les acteurs pour bien que ce soit. Ah, faut que ce soit dedans, sinon c'est pas acteur studio, mec. Voilà. Bon. Je vais résumer le film. Alors, moi, je spoil aussitôt la fin, tout y passe. Mais bon, de toute façon, à la fin, ils le font. Donc, à l'introduction pendant le générique, c'est un grand-père, je crois, ou un oncle, je sais plus, qui raconte à une petite fille une histoire de Noël, parce que la petite fille lui réclame l'histoire de Noël. Et donc, il va lui raconter l'histoire de Jack Frost, le tueur psychopathe. C'est à peu près ça, les dialogues. Ah, mais non, papy, j'aime pas ton histoire. Mais, voilà, donc, qui a tué plusieurs personnes dans plusieurs comtés, qui s'est jamais fait arrêter. Et puis, un jour, arrête de te lécher le prépuce, Julien, c'est gênant. C'est dégoûtant, ça. Voilà, et qui finit par se faire arrêter, forcément, sinon il n'y a pas d'histoire. Et voilà, donc l'histoire commence, par contre, on est dans le véhicule de transport, la nuit de Noël, avant l'exécution de Jack Frost. C'est dur, hein. Ah oui, c'est dur, mais moi je m'en fous. Non, mais c'est... Et c'est bon, durant le transport, son chemin, entre guillemets, va croiser celui d'un... Comment on pourrait dire ? D'un camion de transport de produits ultra dangereux. C'est normal, la nuit de Noël. Et ils vont avoir un accident. Jack Frost va être libéré. Les deux flics vont mourir, qu'ils transportaient vont mourir. Et lui, il va être aspergé d'un espèce de produit acide, très acide, puisqu'il va fondre dans la neige, littéralement. Mais en photo. Parce que ça coûte moins cher en effets spéciaux. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, c'est juste ridicule ici. Ouais. Voilà. Et du coup, comme il va se fondre dans la neige littéralement, il va se relever en bonhomme de neige, mutant, tueur, psychopathe. Ah, c'est tout un programme. Voilà. Et ça, c'est les 5 premières minutes. Non, sérieux. Ah, bah oui. À peine, ouais. C'est pour un 31 décembre, c'est quand même violent. Mais c'est pas long, il passe tout seul, le film. Ah, ouais. C'était moins long qu'Everest. Je te trouve sévère. Bon, c'est moins long qu'Antarctica. Allez. Bon, bref. Si tu commences à critiquer, et que depuis tout à l'heure, tu es chiant, tu vas te prendre un coup de tatane dans la figure, mon garçon. Antarctica, il fait 2h20. Moi, il fait 1h25. Il est moins long, c'est... Oui, mais t'es tous aussi chiant que ton film. Ah bah oui, mais tu l'as pas vu, le film, en plus. Mais c'est pas plus mal. Bah si, je vais vous le prêter. Bref, donc du coup, premier mort. Moi, j'ai noté par mort, ça va un peu plus vite. Donc le deuxième mort, il veut faire de la luge. Jack Frost le pousse. Et il est décapité. Non, il n'y a pas la date, il n'y a pas l'effet de ralenti non plus. Donc le deuxième mort, c'est un gamin qui se fait décapiter par sa luge. Ah, c'est horrible. Ouais, mais bon, après la tête elle roule, enfin ça passe. Oui. Le troisième, c'est le père du gamin mort qui veut aller fumer sa pipe dehors. Julien, t'as quelque chose à dire ? Non, ça va. J'arrive à parler de pipe sans que tu réagisses. Ah, je te trouve un peu sévère avec moi. Non, bah des fois, on sait jamais. Voilà. Et du coup, Jack Frost donc le tue, encore, avec une hache. Mais d'une manière originale, il enfonce le manche dans la gorge. C'est horrible. Ouais, et puis après, il s'en va en disant qu'il fume trop de hache et que c'est pas bon pour la santé. Ça, c'était drôle. Ensuite, il va tuer la femme de ce monsieur dont il a déjà tué le fils, en longuirlandant, littéralement, dans le sapin, avec les boules de Noël et l'étoile sur la tête. Ça fait référence à Gremlins, ça, quand il... C'est vrai que ça peut être une référence à Gremlins, sauf que Gremlins, ils sont un petit peu moins méchants avec le chien. Oui. Lui, il y va à Franco. Oui, il est pas mort, le chien. Il est espagnol, le chien. Oh, putain. Non, mais pas mal, la référence, fallait la trouver. Ah bah oui, oui, pas mal. Ah, cette culture. Ah, tu m'épates. C'est bon, je peux y aller ? Vas-y. Donc forcément, comme dans tout film américain, le FBI arrive dans la ville. Ah oui, j'ai dit, ça va vite. Hein. Cinquième mort, adjoint. Sixième et septième mort, viol. Ah, ils violent pas les deux. Hein. Il y en a un qui se fait empaler à coups de pique à glace sur la porte. Et par contre, la femme, il la viole bel et bien dans la baignoire. Faut pas être à coup de carotte. Quand tu regardes ce film, hein. Faut pas être dérangé parce que ça peut donner des idées, hein. Ah bah oui. Ah non, mais le viol à coup de carotte. Violer une fille à coup de carotte. Non, le viol à coup de carotte, c'est vrai que c'est assez original. C'est glauque. Ah ouais, non, mais dit comme ça, c'est glauque, hein, mais quand tu le vois, ça va, on rigole. Ouais, enfin bon, quand même. Moi, j'ai rigolé. Donc après, il se montre au shérif pour bien lui faire comprendre que c'est bel et bien un bonhomme de neige-tueur. Jusqu'à présent, personne ne croyait le seul témoin. Oui, bah c'est pas... C'est pas déconnant comme ça. Hein. Faut connaître, c'est le point réaliste du film. oui, pardon, le stylo. Alors, hein. Ah, bah ça va, là, je me perds dans mes notes. Ah. Ah oui, alors après, il le repousse à coup de séchoir. Parce que forcément, ouais. Le séchoir fait fondre la glace, alors il pense que c'est l'arme ultime. Mais le séchoir, une fois débranché, ben ça marche plus. Donc, on croit qu'il est mort, mais il est pas mort. Même pas mal. Et il fait exploser le commissariat. Donc, il le repiège avec un chasse-cheveux, mais jusqu'à la chaudière. Cette fois, en se disant, la chaudière, ça va être définitif. Il est pas chez-chez-choche, voilà. Et en fait, il est toujours pas mort. Il revient à la vie grâce à la condensation sur les carreaux. Ouais, c'est vrai que raconter comme ça, c'est con. Ah oui, hein. Ah, tu te rends compte que le film que tu nous as montré, c'est de la merde en sachet? Ah non, non, je me rends compte que c'est très con. Mais c'est pour ça que c'est bon. C'est un peu comme la sauce du hamburger dégueulasse, c'est pour ça que c'est non, bon. Non, c'est pas dégueulasse, c'est bon. Si, bah, j'en étais où, moi? Ouais, bon, après, tu le FBI, il attaque le shérif et son fils. Qui lui fout de l'antigel. Donc c'est pour ça que je parlais d'antigel, au fait, sur les réseaux sociaux. Ils le battent à coups d'antigel dans la gueule. Et une référence à Picasso aussi. Ah oui. Là. Voilà, il se monte complètement fondu en disant « Regarde, je suis un Picasso. » Ça, c'est fait. Ah ouais, non, mais c'est plein de répliques cultes. Hein. J'en étais où? Ah, et combat final, il le balance dans l'antigel et il se bat avec un bout de mousse. C'est vrai que le combat final, qui avait plus de finances, il se bagarre. Mais non, ça, c'est le prépuce de Jack Frost. Ah. Tiens, je te le rends. voilà. C'est pas mal. Et ouais, oui, ils finissent par l'enterrer les bidons d'antigel loin de la ville, en croyant en avoir fini, mais c'est non. C'est pas très écologique, hein, quand même. Bah, les bidons sont bien. Parce qu'ils enterrent l'antigel. Les bidons, non, mais dans des bidons. Mais ça, c'est fatal, hein. Parce que Jack Frost est quand même dans l'antigel, il est fondu dans l'antigel, mais il est toujours là. Sous forme liquide, mais il est là. C'est complètement bidon. Bah oui, d'antigel. Et du coup, on croit que c'est la fin, mais non, parce qu'il y a un 2 qui est encore mieux. Ah oui, mais ça, il faudra le voir, ça, du coup. T'es sûr que tu veux le voir, si je peux te le prêter? Non, on le voir ensemble. Bon, on le regardera ensemble, si tu veux, parce que dans le 2, il fait plein de petites boules de neige qui sont comme des petits gremlins. Ah. Et c'est sur une île tropicale, sous la neige. Ah oui, d'accord. Oui, c'est génial. Mais comment il se débrouille pour arriver là-bas, du coup? S'il est enterré... Alors, en fait, il s'évapore, il arrive dans les nuages qu'il a transporté. En fait, il est immortel, parce que finalement, il est immortel. Bah oui, c'est ça le concept, c'est ça qui est bon. Il est immortel. Bon, voilà, donc j'ai réussi à faire mon résumé, le petit résumé rapide du 2, et oui, il est immortel, c'est ça qui est bon. Pour reprendre ton expression favorite. D'accord. Il n'y a pas de 3, alors? Bah, non. Alors, pourquoi on s'assoit s'il est immortel, il n'y a pas de 3? Bah, peut-être que le 2 a pas marché. Il est mort comment dans le 2? Peut-être que le premier aussi. Je me souviens plus du 2. Si le premier il a pas mal marché au final. Bah oui. Dans sa gamme, hein, dans la c'est gamme Navé a pas. Dans la gamme. Navé a pas trop cher. Si, dans mes proches, il y en a plein qui l'ont vu. Ils ont pas eu le choix. Ouais, bah évidemment, la dictature. Ils me l'ont demandé, je l'ai prêté après. Ils te l'ont demandé, mais pas tout seul. Non, ouais, d'accord. Avec un flingue sur la tempe, mais ils ont demandé quand même. Mais si, regarde, on va regarder, tu vois, on va se marrer. Peut-être au moins 2 à l'avoir vu. Ah non, on est au moins 3, là. Ouais, non, puis il y a Nico qui l'a vu, il y en a d'autres, t'inquiète pas. Voilà. Donc, vu que je sais que je suis pas le seul à avoir vu, vous avez pensé quoi, vous? Pas ça vous battez pas, quoi. Allez-y. Non, on se bat pas. C'est... Ouais, t'as deux petits trois. T'as deux, trois petites blagues rigolotes, mais à part ça, bon, c'est de la merde en sachet. En sachet? En petit sachet. En déshydraté. Ouais. C'est ça, en déshydraté. Putain, pour quelqu'un qui a aimé Everest, on est sérieux. Mais oui, voilà. Non, j'ai pas accroché, hein. C'est... T'as sorti de meilleurs films que ça, quand même. Oui. Voilà. Bah, dans les films de neige, je savais qu'il y avait peut-être mieux à faire, mais. Celui-là, ouais, enfin, voilà. Mais moi, je l'aime bien, c'est un film de cœur, si tu veux. C'est un film de cœur. Ouais, ça s'entend, mais c'est vrai que c'est... C'est pas, c'est pas. Sans l'attache, c'est sentimental. Je pense que, ouais, tu pouvais nous sortir un autre. Non, puis mine de rien, j'ai pas noté tant que ça de points négatifs, moi. Bah. Non, mais parce moi, que. Moi, j'ai écrit que bon, ok, les dialogues. Parce que tu faisais cuire les burgers en même temps, c'est non, mais ça, les dialogues sont débiles, mais bon, en soi, c'est pas grave. Non, les dialogues, ouais, ça c'est. C'est loufoque, quoi. Enfin, ouais, c'est. Non, puis, bah, franchement, bonhomme de neige tueur. Ah, c'est un concept, hein. Ouais, c'est un concept, mais... Bah, le train qui tourne autour de la planète pendant un an. Ah bah, j'ai pas dit que c'était non plus... Ah non, mais attends, essaye pas de comparer ça avec un viol à coup de carotte, hein, s'il te plaît. Ouais, parce que... Eh, toi, tu l'as même pas vu, le viol à coup de carotte. Faut le voir. Eh ben, c'est pas plus mal. T'imagines un bonhomme de neige en mousse, en plus, hein. En mousse, ouais. En plus, ça se voit trop que c'est... C'est de la mousse. Ah oui, parce que, attends, j'ai oublié de dire, c'est vrai que c'est un film de neige. Ils ont dû tourner à un endroit où il y avait pas de neige. Ils ont dû en envoyer quelques tas avec des canons, mais très peu, parce que ça coûte cher, quoi. Bon, ça, c'est vrai que c'est un des points négatifs. Non, et puis, il y a un gamin roux aussi. Oh, ah non, pas tout le monde. Mais ça pue quand il pleut. Mais quand il fait chaud aussi. Ouais. Si jamais on est écouté par des roux, on est mal. Qu'est-ce... Ah oui, il y a la devinette. Quelle est la différence entre un bonhomme de neige et une bonne femme de neige? Les boules de neige. Ouais, oui. Ça revient tout le long du film. C'est vrai. Ça met le niveau de là, oui, le mec, à chaque fois qu'il raconte, c'est cette blague-là. Ah, et puis il y a la voix de Picsou. C'est vrai. Ah oui, un des vieux, il a la voix de Picsou, c'est trop fort. Rien que pour ça, je pourrais le regarder. C'est tout. Ah si, quand même, il y a eu un autre truc, c'est le striptease. Le striptease par moins 20 degrés, ils enlèvent 15 couches de vêtements. Ah oui, oui. Ah, oui, oui. C'est tout de suite moins sexy et un peu plus long. Ah oui, c'est pas très NT1 comme... Ça, c'était presque marrant. Oui, c'est marrant. Voilà. Mais il y a plein de trucs qui sont... Il y a des petites scènes qui sont un peu rigolotes. Mais c'est ça qui est bien dans ce film, c'est qu'il y a plein de trucs qui sont presque marrants. Il manque pas grand-chose pour que ce soit un bon film. Non, c'est... Oh, aussitôt... Déjà, t'enlèves le bonhomme de neige, tu nous mets un mec un peu plus funky, quoi. Ouais, il est vraiment moche, quoi. Ouais, mais en même temps, tu fais un truc en CGI, ça aurait été loupé, ça aurait été moche. Au moins, là, bon, tu dis, c'est de la mousse, c'est de la mousse. Tu dis, foutu pour foutu, écoute... C'est ça. Tout est en carton, quoi. En même mousse. Les maisons, on a l'impression qu'elles sont en carton. Non, les maisons, ça va. La couleur, c'est quelle année tu... 97. Ouais, ça fait... Ça, c'est pas si vieux que ça. Hein. Ah bah, en plus, c'est en 4 tiers. Oui, c'est pas si vieux, ça mais attention. Vidéo, 97, ça fait déjà 20 ans, quand même. Oui, ouais, mais... Et les années 90, pas, mais... c'était encore le format 4 tiers, des caméras analogiques et... Les pas chères pour tourner ça, elles étaient vraiment pas terribles. Quand on se posait la question pendant le film, on disait ouais, c'est 90 ça, c'est pas possible. C'est années 90. Oui, mais je veux dire début 90 quoi. Oui, il faut bien dire que la technique des années 90, surtout dans le low cost, c'était pas non plus du haut de gamme. Hein. Bon, voilà. Et sinon, j'ai quand même noté le nom des deux acteurs principaux. Donc il y a Scott McDonald qui joue Jack Frost, mais du coup c'est plutôt une voix que voilà. Il aurait été payé à pas grand chose, quoi. Ah bah, il parle beaucoup quand même, hein, Jack Frost. Putain, il est plus bavard que Freddy. Hein. Et Freddy, il est déjà bavard. Et par contre, il a joué dans beaucoup de séries M6. Il a fait Charmed, X-Files, NCIS, et Dexter et Monk aussi. Et encore d'autres. Et le shérif, c'est Christopher Allport. Alors là, il est mort il y a 11 ans dans une avalanche. Ça s'invente pas. Tu vois, comme quoi, ça se trouve, c'est Jack Frost qui a. Ah non, mais j'ai vu ça. Reste, hein. C'est moche, il est mort, mais ça m'a fait rigoler. Et il a fait quelques... Quoi qu'est vrai, c'était un an avant Jack Frost, finalement. Ouais. Ben, je vois pas le rapport. Ah, parce que je disais avalanche et tout, je disais c'est peut-être Jack Frost qui a envoyé la tempête, machin, et ah, oui. La neige et tout. Mais je ouais, peut-être. Ah non, en fait, parce qu'en fait, c'était un an avant Jack Frost. Oui, avant le film, mais peut-être que l'histoire, elle datait d'avant. Ils le disent pas, c'est peut-être un flashback. Tout est permis. Si en plus, ils ont ça se trouve, c'était la fin du scénario. Où on va si Jack Frost, Jack Frost, c'est dans le scénario, alors là, c'est terrible. En plus, il n'y a pas vraiment du genre du jardin, en plus. Mais non, mais pourquoi tu tapes dessus? Depuis tout à l'heure, je me retiens de l'écraser pour pas que ça fasse de bruit. Hein. Alors ça va te plaire, parce que lui, par contre, il a joué dans Walker Texas Ranger. Alors ça, au moins, c'est un CV. Ouais, ah bah oui. Il y a bien toujours, hein, Chuck. Oui, je cherchais à le placer quand j'ai vu ça, alors, c'est bon. Pour les grands fans de Walker Texas Ranger, c'est tous les jours sur TV Braille. Bah oui, je te l'ai dit l'autre fois, t'es con. Bah oui, mais moi, je regarde du coup, maintenant. Bah tant mieux. Enfin, je regarde plus trop maintenant, mais... S'embarrasse. Ouais, mais là, parce que c'est les... Bah c'est surtout que c'est les débuts de la saison 1, saison 2 là, et tu vois, et c'était pas la meilleure... C'est chiant un peu. C'était pas les meilleures. Voilà. Donc Jack Frost, ça a plus qu'à moi alors. Je dirais pas que j'ai pas été... Non mais ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas dire, non, j'ai vraiment pas aimé. Non, en fait, c'est... Il y a le contexte dans lequel on l'a regardé aussi. On a quand même rigolé. C'était le 31 décembre, voilà. Ça reste de la merde un peu quand même. Après, mais c'est, il y a des moments rigolos. Tout voilà. Seul, j'aurais peut-être pas regardé. Si tu veux de la merde, un jour, je vais te montrer le Ginger Dead Man, tu vas pleurer. Des larmes de Javel. Je te jure, ça a piqué. Ah, déjà, Double Dragon, ça va, ça c'est sûr que ça va piquer des larmes de Javel. Ah ouais. Ah non, mais si tu trouves que le costume, il était cheap dans Jack Frost, Ginger Dead Man, c'est pire. Un bonhomme pour un épistueur. Ouais, non, pourquoi pas? Ils ont piqué l'idée à Shrek, alors. Ah ouais, j'avais pas vu le rapprochement. Ouais. Au cours d'une nuit froide, la science et le mal sont entrés en collision. Ah ouais. Maintenant, un tueur en série est en cavale. Nous n'avions même pas testé l'acide sur une amibe, alors sur une cellule humaine, ça va être un vrai désastre. Je viens de voir une chose qui n'appartient pas à ce monde, et elle est dehors en train de tuer mes amis. Dites-moi ce que c'est. Jack Frost. Je crois que Jack est sur le point de faire son entrée. Il va donner à l'expression « avoir du sang-froid » un tout nouveau sens. Hé, hey, Jack! Quoi? Est-ce que tu as vu les sept mercenaires? L'enfer est en train de geler. Il vaut mieux laisser choir! Jack Frost. Regardez les gars, je suis un Picasso. Eh ben, je crois qu'on va arrêter là pour les films, les jeux. Est-ce que quelqu'un a des recommandations à faire? Quelque chose à conseiller? Sur la neige toujours ou sur... En fait, quasiment tous les films de neige sont pas du tout fait good. Ouais, mais après tu peux être dépressif aussi, c'est pas grave. Bah, t'as les bronzés fonds du ski quand même. J'ai envie de te tuer à chaque fois que tu parles des bronzés. Prenez fond du ski, ça déchire. Ah ouais, là c'est pour le coup. Olivier, non, ne te parle pas. Voilà, ça déchire. Alors il y en a qui diront, non, c'est français. Bah, c'est plus que français, c'est mauvais. C'est un des seuls films français où, ouais, effectivement. Mais voilà, mais sinon, en film de neige. Moi j'avais Les Survivants, mais je me suis dit que c'était pas feel good non plus. Ouais, mais tu peux dire c'est un bon film quand même, c'est pas grave. Ah, c'est un très bon film. Et Snowboarder, c'était pas terrible. Ça sent pas la merde un peu, rien à côté. Ah, si. Mais c'est avec Clara Morgan donc ça passe. Ah, dans ce cas-là. Et ça sent la merde aussi en fait. Bah, ça dépend pour où ça passe. Non, ça fait pas trancher dans le film. Bah, elle sert à quoi? Elle est actrice. C'est une des plus grandes actrices de l'histoire du cinéma. Pornographique, uniquement. Non. C'est une. Ça m'a un peu quand même. Après, des poursuites en justice pour blagues racistes. Non, moi j'aurais peut-être quelques recos de neige à faire quand même. Bah, Cliffhanger d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure. Cliffhanger, c'est vrai. Et d'ailleurs, Die Hard 2. Bah, Die Hard 2, il neige du début à la fin. Ouais, il y a le jour d'après aussi. C'est tout pourri ça. Bah, on met pas Vertical Limit, non? Non. Non, pas j'ai bien aimé. C'est quoi The déjà Sing. Le jour d'après. Ah oui, oui, The Thing, oui, The Thing. C'est le cyclone. Ouais, non, le jour d'après. Ouais. Ah oui, c'est bon. Ah oui. Pas grand chose. Arrête avec ton téléphone, bordel, mais c'est plus fort que toi, faut que tu fasses du bruit, hein. Ah oui. Le bruit, c'est la vie. C'est ça. Bah, c'est pour ça. Oui, je me suis comme ça. Parce que t'es vilaine. Oui. Je t'achèterai un martinet la prochaine fois. Hein. Et du coup, hors film de neige, peut-être quelque chose que vous avez vu récemment, à recommander, à éviter, je sais pas. On va éviter, on peut t'en donner plein. Ah, vas-y, on voit. Antarctica. belle défense de ton film. À voir quand on est petit, mais pas après. Ah ouais, parce qu'Antarctica, j'ai eu des bons retours de gens qui m'ont dit, ouais, j'ai vu ça petit, c'était vachement bien. Bah, c'est ça, ouais. Et je comprends pas, d'ailleurs. Enfin, ça s'appelle la nostalgie. Ouais, voilà, je pense que c'est ça, c'est l'idée nostalgie, c'est pas... Nostalgie. Bon, bref. Si, il y a l'attaque des loups. Qui est très bien. Ah, le territoire des loups. Territoire des loups. Le territoire des loups, ouais, parce que l'attaque des loups, je me disais, ça sent le film Énergie 12 à minuit. Oh, ouais. Territoire des loups, c'est très bien. Territoire des loups, c'est top. C'est vrai qu'on aurait pu le prendre. Et pareil, on est dans le film dépressif, quand même, hein. Oh, bah. Ah, moi, quand ça finit mal, généralement, j'aime bien. Ouais, bah, dès le début, il essaye de se suicider. Ah, mais, il reste pas. Alors que, franchement, nous, avec Héloïse, on est témoin, le RER, ça fonctionne mieux. Oh non, fallait oser, là, fallait oser. Bon, certes, on rentre un peu plus tard que prévu. T'avais pas le droit de faire ça. Mais quand même, hommage au RER. Merci. Est-ce qu'il faut repréciser la situation? Bon, non, il a glissé, le gars. Tu l'as poussé, Julien. Bon, un coup de tu l'as poussé. Ouais, on va dire un coup de nichon. Et il est passé sur la voie. Voilà. c'est dégueulasse, je sais pas d'autre mot. Il va couper tous les trucs. Ah non, c'est fait. Il va rester 5 minutes. Il va rester, je vais être censuré à fond là. Non, non, je vais rien couper. La dernière fois, tout ce que j'ai coupé, c'est ton adresse. C'est mon adresse. Ouais, parce que t'as donné ton adresse. Ah, Donc je me suis dit quand même, des fois qu'il y ait des fans un peu dérangés. Ah non. Ah si. Non. Ah si. Ah si. Non, je vais couper les blancs, c'est tout. Oh, encore dire que c'est raciste. Bah oui, c'est le raciste si tu coupes les blancs. Non. Je vais bien couper les noirs, mais ils sont pas d'accord. Hein. C'est comique. De toute façon, franchement, des blagues sur les chinois, tout le monde s'en fout. Hein. Si, ouais, mais c'était gentil. Bon, c'est pas grave, les gars. Tu couperas les roues aussi. Ah non, les roues, non, non, les blancs. Non, les roues. Les roues. Donc, si quelqu'un a des blagues sur les blancs, les bruns, les blancs et tout ça, vous pouvez nous les envoyer. Si quelqu'un a des blagues de mauvais goût, je viens les prendre. Vendéens aussi. Si ah, les Vendéens, oui. Vendéens. Ouais. Alors, si tu es Vendéen, roux et noir, mais alors t'es mort. Ça, je vais peut-être couper. C'est déplacé. Non, si vous avez un stock de blagues dont vous vous servez pas, Julien prend. Non, les ça blagues. Va. Les blagues. Mmh. Oui. Oui. Bon, ben voilà. La prochaine fois, on va parler de films romantiques. Oh, mais ça va. Ouh, ça va. Hein, ça va changer le truc. Hein, j'appréhende déjà où on va arriver avec ça. Là, ça va être. Bon, alors, Julien, le romantique dans l'âme. On a dit romantique, pas porno. Oui, on a dit pas pornographique, Julien. Oui, attends, c'était quoi, Les Anges de Los Angeles, un truc comme ça? Je ou... crois que c'est City of Angels, le City titre. City of Angels, ouais, c'est oui, c'est ça. Ouais, City of Angels. Avec Nicolas Cage et Meg Ryan. Et Meg Ryan. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai pris dans le lourd, là. C'est un remake d'un film avec Frank Capra. De Frank Capra. Ouais, ouais. De Frank Capra. Voilà. Et du coup, ça. Un happy ending de fou, quoi. Fais gaffe à ton taux de sucre. Hein. T'inquiète. Je vais me doper au régala encore, là. Pourquoi vous me dopez au régala aussi, là? Bah, on, les carambars, Bah, oui, on allait changer. On avait marre des blagues carambars, en fait. Alors, on est passé au régala, y a pas de blague. Mais si t'insistes, on va t'acheter du réglisse. Non. C'est pas bon, hein. Si, c'est bon, réglisse. Blagues, non, c'est pas bon. Non, mais rien du tout, c'est bon. Bon, bah, rien du tout, alors. Bon, bah, rien. Bon, et toi, Elise, tu vas nous parler de quoi de romantique? Le film, PS I Love. Ok. Et toi, Emily? Et moi, jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare. Palme du titre le plus long. Et moi, ce sera The Crow. Voilà. Qu'est-ce que t'as encore, toi? Non, bah rien. T'es pas obligé de les voir cette fois, tu seras pas là. Mais The Crow, j'ai vu The Crow. Ah, bon. Déjà. Enfin, ça fait longtemps. Hein. T'as pas intérêt à dire du mal, sinon... Non, c'est The Crow, quoi. Toi, t'es autorisé à dire du mal de tous les films qu'on peut regarder. Ouais. C'est pas contre ce que tu regardes. Ah si, Jack Frost, on a le droit, hein, la preuve. PS, I love you, ouais. Mais toi, c'est... Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare. Le titre à rallonge. C'est pas une happy end non plus, hein. C'est dans le titre, non? Ouais. Ouais, mais ça peut très bien se finir. Il y a fin du monde dans le titre, Julien. Ouais, mais nous sépare. Oui, mais ça peut être une expression aussi. La fin du monde, c'est pas forcément la fin du monde. Ça peut. Déjà, au mariage, quand tu te maries, on te dit... Mais moi, vous séparez. Ouais, certes. Et finalement, le mariage, c'est censé être heureux. Bon, à partir de... Parle pas trop de mariage, parce qu'on se marie en septembre. Non, mais c'est pas grave. Ça arrive. Bon, ben voilà. Bon, ben merci de nous avoir écoutés, d'avoir supporté les blagues à Julien. Portez pas plainte. Portez pas plainte tout de suite, attendez un petit peu. Ben pourquoi? On s'excuse d'avance. Non, on s'excuse pas, mais on peut porter pas plainte. Pas. Et du coup, on peut toujours nous suivre sur les réseaux sociaux. Je mettrai les liens des bandes annonces directement aussi sur Facebook et Twitter. J'ai déjà mis les affiches. Et je pense qu'on continuera comme ça à chaque fois, histoire que tout le monde puisse avoir un petit support visuel. Ouais. Voilà. Je crois que j'aurai du mal à trouver la bande-annonce de Jack Frost, mais ça vaudra le coup d'œil. Ah oui. Ouais. Alors tu vas trouver ça sur... Je pense que tu peux la faire toi-même. Ah oh ouais, je vais essayer. Sur YouTube, tu trouves ça. Hein. Sur YouTube, non, YouTube, c'est ton site à toi. Ah, même. C'est vrai. Voilà. Bon, bah allez, à la prochaine tout le monde. Bisous, bisous. À la prochaine.